Nous sommes gouvernés par des gens irresponsables. D'ailleurs, quand des gouvernants vont en chambre se voter des lois qui leur donnent l'immunité, qui enlèvent l'imputabilité, des lois que le peuple ne pourra pas demander de compte à ceux qui sont réellement responsables des décisions qui sont prises, là, on a affaire à un gouvernement irresponsable au sens technique total. Donc, eux-mêmes veulent être irresponsables. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On se finit tout le temps par avoir. C'est comme si quelqu'un dévalisait votre maison, vous appelez la police, finalement, c'est le même gars qui a changé de costume, il s'est mis un uniforme, le même gars qui a volé votre maison, qui arrive, qui dit on va tout faire pour essayer de retrouver les coupables. C'est inacceptable.